France Inter. Et à 9h05, on ne se quittera pas ce matin sans accueillir Guillermo Guiz. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Enfin, bonjour Amélie. C'est pas qu'on est 114 dans le studio non plus. Ah bah non. On va pas vraiment parler d'ambiance électrique. C'est pas vraiment Planète Rap sur Skyrock, avec 30 mecs qui se jettent sur le micro en faisant pop, pop, pop, pop à chaque punchline. Après, je vous connais pas, peut-être qu'en semaine, vous faites des battles et tout, mais. Ça m'arrive. C'est déstabilisant pour moi. D'habitude, quand je chronique sur Inter, il y a une bande quoi, autour. Je nage dans la bienveillance. Il y a Nagui qui simule des rires. Il y a Leïla Kadour qui me fait des cœurs avec ses orteils. Et Daniel Morin, je sais pas, il me lance ses croûtes. Enfin, on se sent soutenu quoi. Ici, Amélie, on est deux. On se connaît pas du tout. Pas du tout. C'est la première fois de ma vie que je vous rencontre. J'ai l'impression d'être dans un date Tinder avec 3 millions de témoins. Vous vous rendez compte? Si je vous fais pas rire, il y a 3 millions de Français qui vont se faire « Oh, il s'est tellement pris un vent, le bête, oh la honte, on aurait dit le quart de finale contre l'Italie. » Amélie, ne faites pas ça, par pitié. Okay. Bon, j'avoue que je suis tendu, hein. Je ne savais pas trop comment aborder ce billet, mais le directeur des programmes de France Inter, il m'a rassuré, il m'a dit textuellement, je vous promets, il m'a dit « Le samedi d'été à 9h, c'est un moment très écouté, les Français sont sur la route, il faut que tu t'adresses à eux. » Ok. Ah bah si c'est que ça le projet, je connais l'homme qu'il vous faut, mais il habite à l'Elysée quoi. Pourquoi vous me demandez à moi? Macron, il aime tellement parler au français, pour 80€, il te fait une chronique, hein, tu rajoutes 15 à 1000 kiwis, t'as casse-tex avec quoi. Moi j'ai jamais eu l'ambition de m'adresser aux français, certainement pas quand ils sont sur la route, d'après mon expérience. C'est pas le moment où les français sont le plus détendus, hein. Moi j'ai déjà pris des taxis dans votre pays, il y a des scènes de Shining qui étaient plus relaxantes quoi, tu vois. En plus là, la journée est classée rouge, il y a des embouteillages partout, je m'adresse à des gens qui rêvent de contempler la mer et qui sont en train de contempler des pare-chocs. Je suis sûr que ça va m'insulter dans les habitacles, il y a des boîtes à gants qui vont entendre mal parler de ma mère, c'est sûr. Mais bon, Macron n'étant pas dispo du coup, bah, je m'y colle. Française, français, sur la route, bah déjà, voilà, bah, vérifiez bien votre niveau d'huile quoi. Ça c'est la base, c'est vite arrivé, on fait attention qu'à la jauge d'essence et puis hop, à Macron, le moteur en surchauffe, faut appeler la matmute. Bah, personne n'a envie de vivre ça, hein. Même chez la matmute. Autre chose, française, français sur la route, on se relaie au volant. Maman 2h, papa 2h, les enfants 2h. On met toute la famille à contribution sur la route des vacances. J'ai toujours au volant, il vaut mieux parfois un enfant alerte qu'un parent fatigué. En plus, l'autoroute, c'est tout droit. Moi, je viens de Belgique, à 12 ans, j'avais mon permis camion. C'est pas la A7 qui m'aurait mis la crotte au cul, hein. Je te le dis. Hein. Sinon, française, on essaie de contenir la quatrième vague, un mot d'ordre. On reste en plein air. Voilà, parce que oui, ça peut être tentant de se dire, on va dormir dans la maison qu'on a louée. Oh, super la facilité, bravo les Français, très belle mentalité. Non, pensez rebond de l'épidémie, pensez variant Delta. On reste fort, on dort dans le jardin. Voilà, on trouve un terrain vague, une clairière dans un bois. On fait attention quoi. Parce que le variant Delta, bah, il est là, hein, comme tout le monde. Le variant Delta, il est en vacances en France. Le variant Delta, il s'est dit, on va parler des gorges du Verdon. Il paraît que c'est une dingue. Ah bon, on va venir à 4 millions. Non, du coup, française, on reste dehors en toutes circonstances. Et forcément, on embrasse personne cet été. Les amours de vacances, ça reste en famille, hein, entre frères et sœurs. C'est très bien, idéal. À un moment, c'est la morale ou la sécurité. Hein. Moi, je viens d'un pays où ça fait longtemps qu'on a choisi, je peux vous le dire. De manière générale, on ne se laisse pas tenter par les fêtes. Voilà, les boîtes de nuit, vous en avez parlé, elles viennent de rouvrir. D'après mes calculs, elles vont refermer dans 5, 4, 3, 2. Le DJ va passer Je danse le Mia d'IAM avant qu'Akhenaton ait dit Chaîne en or qui brille, tout le monde sera sur le parking. Je te le dis, je crois que la célébration de Pogba contre la Suisse aura duré plus longtemps que la réouverture des boîtes de nuit. Cette pandémie, c'est une bougie surprise. Quand tu l'éteins, ça se rallume direct. Franchement, bah c'est compliqué. C'est comique les deux premières fois. Après, ça donne envie de crever dans un journal parlé. Quoi. Que voici d'ailleurs. Dans quoi? Dans combien de temps là? Je sais pas. Vous savez pas? Non. 40, ouais. 50 secondes, même ouais. Pas, moins, à plus. À peine. Bon, allez, belle journée et belles vacances à vous, les amis. Oh, merci Guillermo Guiz d'avoir accompagné les Français sur la route. Moi, vous le faites vraiment très bien. Faites un point route la prochaine fois. Je vous souhaite un très bel été. Merci. Mais à vous, Guillermo Guiz.